Seigneur, Asante Bwana. C'est toi le maître mkubwa de ma vie et de mon existence. Mkubwa maisha yangu na tu me façonnes pour un but. Unanitengeneza kwa ajili ya lengo. Tu m'amènes, Seigneur, dans tes objectifs. Unanileta kwenye shabaha zako. Et tu fais, Yahweh Dieu, que je sois un sujet de joie na unahitaji niwe dans ma génération. Ndani ya kizazi changu. Une source de bénédiction. Chemchemu ya baraka. Et c'est pourquoi tu ouvres ton ciel sur moi. Pour que ton peuple soit béni. Seigneur, ce soir, bénis-nous encore ensemble. À la manière de Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour ta puissance. Merci pour les œuvres de l'Esprit. Merci pour ta parole. Merci pour tes anges qui montent et qui descendent. À ton nom soit la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur ce soir. Tunambariki Bwana jioni ya leo. Lui qui nous tient dans ce programme jusqu'à ce jour. Yeye ambaye angali natushikilia ndani ya mpango huu mpaka siku ya leo. Je bénis son Dieu. Je bénis Dieu pour ta présence. Nabariki Mungu kwa ajili ya uwepo wako. Dans ce programme. Ndani ya mpango huu. Il a bien fait de te permettre d'être là. Amefanya vizuri ili akuruhusu kuwe hapa. Parce qu'il y a double objectif. Sababu kuna shabaha mbili. Le premier objectif. Shabaha ya kwanza. C'est que Dieu agit pour toi et en toi. Ni kusema Mungu anatenda kwa ajili yako na ndani mwako. Le deuxième objectif. Shabaha la pili. C'est que Dieu fait de toi un instrument. Mungu anakufanya wewe kuwa chombo. Un canal. Pour agir sur les autres, envers les autres et pour les autres. Ne perdons pas de vue ces deux objectifs de Dieu. Ce n'est pas en vain que le Seigneur nous met ici. Si kwa bure Mungu anatuleta hapa. Et la bénédiction de Dieu na baraka ya Mungu est plus juteuse inakuwa tajiri et riche ni tajiri sana. Lorsque elle nous traverse wakati inatupitia pour aller vers les autres. Kwa kuendea watu wengine. Quelqu'un dit amen. Mtu anasema amina. Le niveau supérieur de la bénédiction, ngazi ya juu ya baraka, c'est lorsqu'elle part de nous vers les autres. Ni wakati inapitia kwetu kuendea watu wengine. Le niveau inférieur de la bénédiction, ngazi ya chini ya baraka, c'est lorsqu'elle agit pour nous, elle descend, nous sommes terminus. Ni wakati inatenda juu yetu na sisi ndio fasi ya mwisho ya baraka hiyo. Il dit Abraham, anamwambia Abraham, je te bénirai. Nitakubariki. Je rendrai ton nom grand. Nitafanya jina lako kuwa kubwa. Deviens donc kuwa basi une source de bénédiction chemchemu ya baraka pour toutes les nations de la terre. Kwa ajili ya mataifa yote ya dunia. C'est ça le point supérieur. Hapo ndipo kiwango cha juu. Il ne faut pas être content. Hayombe kufurahi. Dans votre vie. Ndani ya maisha yako. D'être le terminus des bénédictions de Dieu. Ukuwe mwisho wa baraka za Mungu. Je vais vous rappeler quelque chose que j'ai dit il y a plusieurs années. Nitawakumbusha kitu ambacho nilisema kuna miaka mingi imepita. Tulikuwa tunaitwa encore en bas là-bas. Tulikuwa tungali kule chini. Que quand Dieu te donne 10 chemises. Wakati Mungu anakupatia shati 10. Qui se souvient de ça? Nani anakumbuka hii? Quand Dieu te donne 10 chemises, Mungu anapokupatia shati 10. Il est possible que parmi les 10 chemises, il y ait une chemise de quelqu'un d'autre. Inawezekana ndani ya shati 10 hizo kunakuwa shati ya mtu mwingine. C'est pourquoi lorsque ton garde-robe commence à déborder, mana wakati, il est possible que nafasi ya kuwekea mavazi yako inaanza kufurika. Il y a des habits des autres. Inawezekana hapo kuna mavazi ya watu wengine. Qui sont dans ton garde-robe. Ambazo zinakuwa ndani ya nafasi yako ya kuwekea mavazi. Alléluia. Amen. Nous avons dit avant-hier tulisema juzi que ce qui fait d'un homme une personne efficace et grand, ya kwamba inayomfanya mtu kuwa mwenye nguvu na mkubwa, sa capacité d'avoir conscience de la présence des autres. Ni uwezo wake wa kujua ya kwamba wengine wako. La conscience de la présence des autres. Zamiri ya uwepo ya watu wengine. Et parmi les autres, miongoni mwa wengine, tu as tes enfants, ton mari, ta femme, tes frères, tu as tout le monde, una y watoto, compris mume, mke, aussi ndugu, tu as tes sources. Lakini pia unakuwa na chemichemi zako. Tes sources. Chemichemi zako. Alléluia. Amen. Alors hier nous avons terminé en parlant de l'obéissance. Jana tulimaliza tukizungumzia utiivu. Aujourd'hui nous voulons parler leo tunatamani du deuxième fondement du ciel ouvert. Juu ya msingi wa pili wa mbingu plutôt du ciel fermé. Juu ya msingi wa pili wa mbingu inayofungwa. L'incrédulité. Ambao ni kutoamini. L'incrédulité. Kutoamini. Rappelez-vous. Kumbukeni. La désobéissance wasi ferme le ciel. Inafunga mbingu. Deuxièmement, ya pili, l'incrédulité kutoamini ferme le ciel. Inafunga mbingu. L'incrédulité kutoamini. Bwana sifiwe. Amen. Lorsque tu finis de bien traiter le problème de la désobéissance dans ta vie, wakati unamaliza kushughulikia shida ya uasi mashariki, ufanye kazi sur ta foi. Juu ya imani yako. Ta foi. Imani yako. Fais attention. Ufanye angalisho. Aux incrédulités. Na kutoamini. Incrédulité. Kutoamini. Bwana sifiwe. Amen. Je me refais un petit pas en arrière parlant de la désobéissance. Ningependa nifanye hatua kidogo nyuma nikizungumzia uasi. Pour finir un point. Ili nimalize nukta moja. Je disais, nilikuwa nikisema, lorsque tu t'exerces à désobéir, wakati unaanza kujizoelesha kuasi, tu t'habitues à désobéir, unaanza zoea kuasi, la désobéissance devient une porte d'entrée pour les démons. Uasi inageuka mlango ambao mapepo wataingilia ndani. Plus tu désobéis, zaidi unaasi, plus tu élargis la porte d'entrée des démons dans ta vie. Zaidi uko na nenepesha mlango ambao mapepo wataingilia maishani mwako. Il est écrit, imeandikwa, que Judas volait l'argent. Ya kwamba Yuda alikuwa akiiba pesa. Dans la trésorerie de Jésus. Ndani ya hazina ya Yesu. Il volait l'argent. Alikuwa akiiba pesa. Et quand il s'est agi de trouver quelqu'un. Na wakati iliomba kumpata mtu. Je veux dire, quand le diable a décidé de trouver quelqu'un qui va trahir Jésus, wakati shetani aliamua kumtafuta mtu ambaye atamsaliti Yesu, il a trouvé celui qui était habitué à voler l'argent. Alimpata ule ambaye alikuwa amezoea kuiba pesa. Il était dans l'équipe. Alikuwa ndani ya kundi. Il était dans les lieux saints. Alikuwa ndani ya mahali patakatifu. Il était dans les réunions saintes. Alikuwa ndani ya mikutano takatifu. Il était avec Jésus. Alikuwa pamoja na Yesu. Et il est écrit dans Luc. Imeandikwa ndani ya kitabu cha Luka. Quand le diable devait trouver maintenant celui qui va désobéir, wakati shetani angepaswa kumpata sasa ambata asi atakaye saliti. Dans Luc 22, 3 à 4, ndani ya kitabu cha Luka 22, 3 hadi 4, il est écrit, imeandikwa, or Satan entrant dans Judas, ijapokuwa shetani akaingia ndani ya surnommé Iscariot, ambaye alikuwa anaitwa Iscariote, Satan entrant dans Judas. Shetani akaingia ndani ya Yuda. Il est passé par où? Amepitia wapi? Par la désobéissance. Kupitia uasi. Bwana sifiwe. Amen. Or Satan entra dans Judas. Ijapokuwa shetani akaingia ndani ya Yuda. Qui était parmi les 12. Ambaye alikuwa miongoni mwa 12. Si tu aimes l'obéissance dans cette église, kama la désobéissance, kama unapenda uasi ndani ya kanisa hili, tu risques, unaweza, d'être le terminal démoniaque et maléfique. Unaweza kuwa njia ya mapepo. De l'ennemi dans l'église. Na adui ndani ya kanisa. Disons bienvenue à Pasteur Timothée. Tunasema karibu kwa mchungaji Timothée. Salimia mkutano bwa. Tupe saluer l'assemblée. Walikale la. Walikale iko hapa. Alléluia. Amen. Karibu. Bienvenue. Alléluia. Amen. Et donc, faisons attention. Ni kusema tufanye angalisho. Alors, j'ai terminé pour dire. Namaliza nikisema. La désobéissance wasi est la mère de tous les péchés. Inakuwa mama wa zambi zote. Tous les péchés zambi zote viennent zinakuja grâce à la désobéissance. Kupitia uasi. En fait, péché, zambi, c'est désobéir. Ni kuasi. Et si tu fais la liste de tous ces péchés dans leur nom, na ukifanya orodha ya hizi zambi zote ndani ya majina zao, tu vas constater que utagundua ya kwamba les dispositions de la désobéissance ya kwamba hii kupeleka sont ce qui te permettent de commettre le péché en question. Hiyo ndio nayo kurahisisha ufanye zambi hiyo. La plupart des temps, mara nyingi, le péché que nous pensons que ah, c'était plus fort que moi, non, haiko mie, c'est pas moi. Zambi ambayo tunafikiria kwamba ina nguvu kutushinda. C'est pas vrai toujours, c'est pas vrai. Sio kweli. C'est pas vrai. Sio kweli. Parce que à chaque péché, mana kwa kila zambi, il y a quelques minutes ou quelques secondes où ta conscience exerce le libre arbitre pour faire ou pour ne pas faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, na ndio maana, comme le Saint-Esprit te prévient toujours, anakuwa kikuarifu kila mara, que attention, anakuambia angalisho. Quelquefois tu as la chair de poule. Maru unasikia oga. Quelquefois tu trembles. Maru unatetemeka. Mais tu décides na unaamua de faire. Kufanya. Tu as fait quoi? Umefanya nini? Désobéissance. Umeasi. Amen. Amen. Et la désobéissance na uasi, c'est donc le grand panier inakuwa ni kitunga kubwa dans lequel se retrouvent tous les péchés. Ambamo ndani mwake mnakuwa zambi zote. Or chaque péché offense Dieu. Ijapokuwa kila zambi inamkosea Mungu. Chaque péché indigne Dieu. Kila zambi ina chaque péché est mauvais. Kila zambi inakuwa mbaya devant le Seigneur. Mbele ya Bwana. Y compris l'incrédulité. Hata kutoamini. Maintenant ici je voudrais parler de l'incrédulité. Sasa hapa natamani kuzungumzia comme kutuamini. Deuxième fondation. Kama vile msingi wa pili. Du ciel fermé. Kwa mbingu inayofungwa. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Que Dieu fasse grâce à ceux qui sont en route. Mungu et que le ciel se soumette au roi des rois et au seigneur des seigneurs. Na mbingu itimu farme wa farme na Bwana. Parce que Dieu a un rendez-vous avec ses enfants. Sababu Mungu ana mkutano pamoja na watoto wake. Au nom de Jésus-Christ. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Alors regardez, sasa tazama, l'incrédulité est définie kutoamini comme attitude kama vile hali d'une personne ya mtu qui ne se laisse pas facilement convaincre. Ambaye hakubali kwa urahisi aitike. Attitude d'une personne hali ya mtu qui se laisse pas facilement convaincre. Ambaye haitikake kwa urahisi. L'incrédulité est définie également kutoamini inaweleweka comme pia répugnance à croire. Kama vile kukataa kuamini. Croire ça te répugne. Unaanza kukataa. Et les synonymes d'incrédulité sont aussi na maneno mengine yanayofasiria kutoamini. L'incroyance, l'athéisme, le scepticisme, l'irreligion. Ama kukosa dini. L'irreligion. Kukosa dini. Alors nous prendrons, nous partirons de Matthieu chapitre 13. Tutaenda ndani ya kitabu cha Mathayo sura 13. Matthieu chapitre 13, verset 53 et suivant. Matayo 13, mstari wake wa 15. Et si tu es dans la joie dans cette salle, tu vas t'élever, nous allons lire cela ensemble. Quelqu'un s'élève avec joie. Kuna mtu anasimama pamoja na furaha. Et nous les lisons ensemble. Na tunasoma pamoja. Au nom de Jésus-Christ. Kwa jina la Yesu Kristo. Allons-y. Twende pamoja. Lorsque Jésus y achevait ses paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles ? N'est-ce pas le fils des charpentiers ? N'est-ce pas Marie qui est sa mère ? Jacques, Joseph, Simon, Jude, ne sont-ils pas ses frères ? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ces lieux à cause de leur incrédulité. Lisons les mêmes textes en Marc chapitre 6. Tusoma andiko hilo ndani ya kitabu cha Marko sura 6. À partir du verset 2. Kuanzia shaili la pili. Marc 6, 2 et suivant, il est écrit. Marko 6, 2. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue et beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Et il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposant les mains à quelques malades et il est guéri. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Amen. Amen. Asseyons-nous. La Bible dit, et Jésus-Christ s'étonnait de leur incrédulité. Pourquoi tu t'étonnes de leur incrédulité? Parce que ce que je suis, ce que je fais, c'est tellement évident que c'est étonnant que vous ne soyez pas capable de croire. Pourquoi vous ne croyez pas? Parce que nous les connaissons trop. C'est le fils de Marie, de Joseph, et ses frères, on connaît José, Jude, tout ça. Yose, Yuda, na kazalika. Jacques, Yakobo. On connaît ses frères. Tunajua ndugu zake. Mais quand même, lakini, vous vous étonnez munashanga de ce qui se passe avec lui. Ya ila mbo napitikana pamoja naye. Comment vous vous étonnez? Namna gani munashanga? Et pourquoi vous vous étonnez alors? Na sababu gani sasa munashangaa? Ils disent, wanasema, d'où lui vient tout ça? Hii yote namtokea wapi? D'où ça lui vient? Inamtokea wapi? Alors que c'est un petit du quartier. Ichapokuwa nakuwa ni kijana wa Alléluia. Hey, amen. Un petit du quartier. Ni kijana wa ndani ya kata. Sur lequel le ciel s'est ouvert. Ambao mbingu zimefunguka. Va faire des choses étonnantes. Anaanza kufanya vitu vya kushangaza. Je vais parler à ceux-ci. Mais on a ni amuna imani. Nitawaambia hawa. Nasema hivi. Ces gens n'ont pas de foi. Cette sœur, dada, cette fille, binti, petite du quartier, kuwa, sur wakata, qui le ciel vient de s'ouvrir, va faire des choses étonnantes. Atafanya vitu vya ajabu, vya kushangaza. C'est vrai. Ni kweli. Parce que sababu, il suffit inaomba tu, qu'il échappe à l'incrédulité. Akose tu, ile il suffit amine, qu'il croit. Inaomba tu amine. La foi imani ouvre le ciel. Inafungua mbingu. Vous voyez, nous sommes en train de croire à ce moment que cette pluie passe. pour que les frères et sœurs viennent, qui ne ratent pas ce message. N'est-ce pas que la pluie s'arrête? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi, frères et sœurs. Je ne sais pas pourquoi Dieu fait de telles provocations. Mais il m'a mis à cœur de parler de la foi. Et puis il donne des exercices. Ce sont des exercices. Non? Et toi, tu as beaucoup d'exercices dans ta vie. Ce soir, tu vas t'exercer. Tu vas t'exercer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est vivant. Mungu iko hai. Dieu est vivant. Mungu ni hai. Il est le Tout-Puissant. Yeye ni mwenye uwezo wote. Eh, mais Mungu, tu t'es décliné avec nous. Umejionyesha kwetu. Tu as détaillé ce que tu es. Ukaonyesha ila mayoko. Tu as dit celui qui ouvre le ciel. Ukasema na ifungua mbingu. C'est plutôt tel. Ni fulani. C'est moi. Ni mimi. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Mimi ni Mungu mwenye uwezo wote. Je suis le véritable Dieu. Mimi ni Mungu wa kweli. Je suis le feu dévorant. Mimi ni moto ulao. Je suis le premier et le mimi dernier. Mimi ni wa kwanza na wa mwisho. Celui qui est, ule ambaye qui était, aliyekuwa et qui vient, na atakayekuja. C'est de moi que l'on parle. Ni mimi ndimi wanasema. C'est moi qui ouvre les ciels. Mimi ndimi nafungua mbingu. C'est moi qui suis au-dessus. Ni mimi ndiye niliye juu. Au sommet de l'échelle. Ambaye niko juu ya mkasa. Vous voyez pourquoi chaque fois je vous dis levez les mains. Mnajua sababu gani nawaambia kila mara tumeshikana. Quelquefois les gens ils réfléchissent. Mara watu wanasema o mchungaji na wewe kila mara kunyosha mikono yanakaa pale yule ya mungazi huko. Amone no? Vous ne voyez pas. Nous levons les mains vers celui qui est au sommet de l'échelle. Et quand nous levons les mains, les anges montent et ils reviennent avec les réponses. Vous savez, ce n'est pas vain, c'est tous les gestes que nous faisons. Levons nos mains. Nous disons Dieu, là au-dessus de l'échelle. Tu es au-dessus des nuages. Tu es au-dessus des pluies. Tu es au-dessus des principautés. Tu es au-dessus des pouvoirs. Tu es au-dessus des autorités. Tu es au-dessus de tout nom qui se peut nommer dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Nous levons les mains vers toi que l'on appelle l'ancien des jours, vers toi qu'on appelle le Dieu vivant, qui est le seul vrai, le seul vrai Dieu. Il n'y a pas deux dieux vrais. Il n'y en a pas. Il est le seul vrai Dieu. Celui qui commande et les choses arrivent. Celui qui autorise et personne ne va s'opposer. Celui qui donne un ordre et les choses s'inclinent. C'est ce Dieu que tu veux acclamer ce soir. C'est ce Dieu à qui tu veux crier. C'est ce Dieu qui assis sur le trône. C'est celui qui est au sommet de l'existence. Et c'est le Dieu que nous prêchons durant ces deux semaines. Il est au-dessus de ta maladie. Il est au-dessus de ton célibat. Il est au-dessus de toutes ses affaires. Il est au-dessus de toutes tes difficultés. Il est au-dessus des problèmes de ton environnement. Il est au-dessus du coronavirus. Il est au-dessus de toutes ces choses. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Wewe ni Mungu, unaweza yote, hakuna Mungu kama wewe. Il est capable de tout. Anaweza yote. Les choses qui nous plient, les choses qui nous mettent au coin du mur, il a le pouvoir. Au-dessus, il a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes et les a publiquement livrés en spectacle. Il a triomphé d'eux par la croix. Qui es-tu, grand montagne? Devant Zorobabel, devant une fille, une femme, un homme assis ici, tu seras aplani ce soir. Tu seras aplani ce soir. Qui es-tu, démon? Qui es-tu, sorcier? Tu seras aplani. Tu seras aplani. Qui es-tu, cancer? Qui es-tu, maladie? Qui es-tu, myome? Tu seras aplani. Tu seras aplani. Car le Dieu des cieux Dieu a ouvert son ciel et il libère ses dotations, les dotations divines. Merci pour tes dotations. Merci pour tes interventions surnaturelles. Dieu est celui qui intervient, qui agit. Il est écrit par des interventions redoutables avec justice. Interventions redoutables. Écoute, frère, sœur. Lorsque le diable étale ce qu'il est capable, c'est un indicateur que l'intervention proposée ya kwamba kitendo kinachopatana a ces redoutes du diable, na hiyo viogopesho vya shetani, l'intervention proportionnelle, kitendo kinachopatana est supérieur, inakuwa est en train d'arriver, iko nafika. Plus le diable montre qu'il est terrible, anaonyesha kwamba ni wa kuogopesha, plus l'éternel montrera qu'il est super terrible, ya kwamba yeye ni wa hatari sana. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, y compris Goma, et sous la terre, y compris le sous la terre de Goma. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. À la gloire de Dieu le Père. À la gloire de Dieu le Père. Il est le même. Il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même. Éternellement. Jésus. Il est le même. Vous voyez? Il est le même en fait. Toi tu crois et tu pries quel Dieu ici? Tu es venu chercher quel Dieu? Moi, je vous annonce le Dieu vivant, Mungu ali hai, celui qui est assis au-dessus de l'échelle. Et l'échelle, na mgazi, c'est l'indicateur. Inakuwa kitambulisho. Vous voyez comment l'échelle se présente. Unaona namna gani mgazi inakuwa. Il y a des degrés de problèmes. Kunakuwa madaraja ya shida. Il y a des problèmes qui sont juste ici. Kunakuwa shida zinazokuwa hapa. Il y a des problèmes qui ont la hauteur, kunakuwa la shida taille. Zinakuwa juu ya daraja. Et lui, na yeye, il est au-dessus niko tu, de l'échelle. Juu ya mgazi. C'est-à-dire, après là où il est assis, kisa, il n'y a pas un autre escalier de l'échelle. Hakuna tena daraja lingine la mgazi. Il n'y en a pas. Hakuna. Il n'y en a pas. Hakuna. Personne hakuna ne va décider au-dessus de Dieu. Juu ya Mungu. Personne hakuna ule ne va bouger au-dessus de Dieu. Juu ya Mungu. Il est le suprême Dieu. Yeye ndiye Mungu aliye juu ya yote. Il est venu pour te dire, amekuja kukuambia, je veux ouvrir mon ciel. Nahitaji nifungue mbingu yangu juu yako. Et il tient à le faire. Na anashikilia kwa maana. Il a déjà commencé à le faire. Ameshaanza kuifanya. Mais il a besoin lakini anahitaji que tu sortes de l'incrédulité. Utoke ndani ya kutoamini. Incrédulité. Tu amine. Dites Seigneur, débarrasse-moi de l'incrédulité. Je suis lourd à croire. Je crois difficilement. Débarrasse-moi Seigneur de l'incrédulité. Je veux te faire confiance en tout, dans toute chose et dans tous les degrés, quelle que soit la hauteur du problème qui me met à genoux. Yahweh, tu es au-dessus. Tu es au-dessus. Et ton problème est concerné aussi. Il est au-dessus. Dieu est au-dessus. Mungu iko juu. Et voici ce qui se passe avec ses amis. Jésus a appelé Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire, lorsque Jésus est revenu de l'Égypte et l'Afrique, quand Jésus est revenu de l'Afrique, après que ceux qui voulaient le tuer, ils ont tué les enfants. Ils étaient morts. Hérode, etc. Jésus revient dans le pays. Il n'est pas revenu à Bethléem. Il est allé rester à Nazareth. C'est pourquoi on l'appelle Jésus de Nazareth. Et il a grandi à Nazareth. Ses contemporains l'ont connu. Ils ont juste constaté qu'il y a une famille qui était ici avec nous. Ils étaient partis, ils sont revenus et ils habitent là-bas. Et ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans. Et c'est quelqu'un d'ordinaire. Son père fait le métier de menuisier. Il est charpentier. Sawa. Ok. C'est sûr que Jésus n'a pas beaucoup d'argent chez ses parents. Je veux dire, je ne sais pas s'il mange 3 ou 4 fois comme vous autres. Il a une vie modeste. De la même manière qu'il est né modeste. Et il grandit jusqu'au jour où il descend dans le désert vers Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste le voit dans le spirituel. Et il dit celui-ci, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Le voici. Et Jésus dit, tu me baptises aussi. Et quand on les baptise, les cieux s'ouvrent. Les cieux s'ouvrent. Les cieux s'ouvrent. Tout a commencé. Les cieux s'ouvrent. Et Yahweh se prononce. Et il se déclare en faveur de. Il dit celui-ci est mon fils bien-aimé. En lui, j'ai mis tout mon amour. J'ai mis toute mon affection en lui. Écoutez, frères et sœurs, lorsque Dieu décide de t'ouvrir son ciel, ces paroles-là sont prononcées, même inaudibles. Tu ne vas pas entendre ça dans les nuages. Tu ne vas pas entendre ça quelqu'un parler. Mais le fait que Dieu s'engage et il libère les anges et leur intensité de mouvement. Qui libère toutes ses prévisions, qui libère toutes ses garanties, c'est cela même qui veut dire la déclaration de Dieu sur ta vie. Celui-ci est mon fils bien-aimé. En lui, j'ai mis toute mon affection. Et quand Jésus eut expérimenté cela, le ministère a commencé. C'est alors qu'il a commencé à recruter les apôtres, à les préparer pour faire l'après son ministère. Et finalement, à un moment donné, il est allé à Nazareth. Il se retrouve à Nazareth. Il est déjà dans son établissement. Il a déjà fait des miracles partout. Il a guéri des malades à gauche, à droite. Il a prêché, les gens se sont étonnés. Et il rentre en Nazareth. Il fait la même chose. Mais Marc rapporte et dit, et Jésus n'a pu faire des miracles à Nazareth. Il n'est plus, c'est-à-dire n'a pas été capable. Na Yesu akuweza kufanya miujiza pa Nazareti. Si ce n'est d'avoir imposé les mains à quelques malades. Kama haikutoku wawekea wagonjwa mikono, wagonjwa kidogo. Pourquoi? Sababu gani? À cause de leur incrédulité. Sababu ya kutuamini. Dites incrédulité. Sema kutuamini. Dis-le bien. Sema vizuri. À cause de leur incrédulité. Sababu ya kutuamini kwao. À cause de leur incapacité, leur lourdeur, leur lenteur, leur difficulté à croire. Mais ce qui est drôle dans ce texte et qui m'a vraiment étonné en les lisant, il est écrit au verset 54, s'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés. Qu'est-ce qui vous étonne? La puissance avec laquelle Jésus parle. Déjà les scribes et les pharisiens se posaient la question lorsqu'ils entendaient Jésus prêcher. Ils disaient, quelle nouvelle doctrine? Il parle. Anasema. Non pas comme les scribes. Kama il parle avec autorité. Comme si c'est lui qui parle. Kama ni yeye ndiye anayeongea. Il parle comme si c'est lui qui parle. Anaongea kama yeye ndiye anayeongea. Vous savez, mnajua? Bientôt, hapa karibuni, tu vas commencer à parler comme si c'est toi qui parle. Utaanza kuongea kama vile ni wewe ndiye anayeongea. Tu vas interagir avec tes ennemis. Utakuwa kijadiliana pamoja na maadui zako. Comme si c'est toi qui interagis. Kama ni wewe ndiye unayetenda. Il dit, anasema, il parle comme si c'est lui qui parle. Anaongea kama yeye ndiye anayeongea. Et le peuple de son village, na Nazareth, wa kijiji chake pa Nazareth, ils sont étonnés. Wanashangaa. De la même manière, kwa namna ile ambayo. Ailleurs, mahali pengine, ils ont été étonnés. Waliposhangaa. Et ils ont cru. Na wakaamini. Et le miracle a débordé. Na miujiza zikafurika. À Nazareth, pa Nazareth, ils sont étonnés. Wanashangaa. Mais écoutez leur réponse. Au verset suivant. Kwa shaili linalofuata. N'est-ce pas le fils du charpentier? Huyu siye mwana wa mseremala? Mépris. Zarao. Minimisation. Kuzarao. Qu'est-ce qui vous arrive, Nazaréen? Nini nayowafikia wa Nazareti? Vous avez été séduit. Mumedanganywa. Par la présence de ce petit. Dans votre contrée, vous l'avez pris comme un être humain simple et ça vous fait rater le ciel. Vous savez, Dieu fait des miracles plus facilement dans un environnement où il trouve la foi. Les miracles viennent du ciel. Les miracles cherchent la foi. Miujiza zinatafuta imani. Voici les miracles. Tazame miujiza. Marc 16, 17. Marco, voici les miracles qui miujiza accompagneront takao wasindikiza ceux qui auront cru. Wale watakao amini. Alors toi tu es le miracle. Sasa mimi ni muujiza. Toi tu es le miracle. Moi je crois. Na mchungaji na mimi. J'avance. Anaendelea. Et toi tu m'accompagnes. Nami namsindikiza. Je tourne. Ninageuka. Le miracle cherche. Miujiza zinatafuta. Là où la foi se promène. Mahali ambapo imani iko naenda. S'il y a beaucoup de foi dans cette salle. Kama kuna imani nyingi ce soir, huu, vous allez voir les miracles. Mutaona miujiza. Parce que les miracles sababu miujiza sont à la recherche zinakuwa zikitafuta de la foi. Imani. Quand il n'y a pas de foi, wakati hakuna imani, les miracles entrent au chômage. Miujiza zinakosa kazi. Je vous ai montré ça la fois dernière. Niliwaambia hii wakati uliopita. Dans l'expérience ndani ya maisha d'Israël. Ya Israël. Dieu dit, Mungu anasema, dans le livre des Juges, ndani ya kitabu cha Waamuzi, que je vous avais dit ya kwamba niliwaambia que j'offre Canaan devant vous. Ya kwamba ninatoa Kanaani mbele yenu. Mais comme vous n'avez pas obéi, lakini sababu nyinyi hamkutii, moi aussi, nami pia, je ne ferai plus. Sitafanya tena. Vous rappelez de ce texte? Unakumbuka andiko hilo? Regardez ça pour que vous puissiez bien vous retrouver. Tazama hii ili muweze kujipata. Juge chapitre 1. Waamuzi sura moja. Bwana sifiwe. Amen. Keke acclame le Seigneur. Kuna mtu anamshangilia Bwana. Nous avons vu dans Deutéronome. Tuliona ndani ya kitabu cha Kumbukumbu. Chapitre 1 verset 6 7 8. Sura moja mstari wa 6 7 8. Mungu anasema, levez-vous. Simameni. Partez. Endeni. J'ai mis le pays devant vous. Nimeweka inchi mbele yenu. Je vous donne le pays. Ninawapatia inchi. La terre promise. Inchi iliyoahidiwa. Là où coule le miel. Mahali ambapo levez-vous, allez asali prendre na maziwa inatiririka. Simameni na mwende mukaichukue. Mais quand on voit dans la pratique, lakini tunapoenda c'est Israël qui avance. Ni Israël anayoendelea. C'est Israël qui prend l'épée, qui se bat avec upanga na ses ennemis. Pamoja na madui zake. Et Israël pense que c'est lui qui le fait. Israël anafikiria kwamba yeye ndiye anayoifanya. Alors que Dieu ichapokuwa Mungu est celui qui le fait. Yeye ndiye anayeifanya. C'est lui qui est en train de le faire. Maintenant regardez. Sasa tazama. Nous avons lu ce texte. Tulisoma andiko hili. Dans Juges. Ndani ya kitabu cha Waamuzi. Chapitre 2. Sura 2. Verset 3. Shaili la 3. On peut commencer au verset 2. Tunaweza kuanzia kwa shaili la pili. Même un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal et dit, je vous ai fait monter hors d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Vous voyez ça? Bien aimé, Dieu a libéré ses garanties. Ses engagements. Il a dit jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Mais vous ne traiterez point d'alliance avec les habitants de ce pays, etc. Mais voyez, il dit, mais vous n'avez point obéi à ma voix. À quoi consistait d'obéir? Il fallait frapper les ennemis. Mais comment irions-nous frapper les ennemis? Il fallait avoir la foi que Dieu a dit que ce territoire aussi, il nous l'a donné. On n'a pas beaucoup d'épées ou d'armes à feu. On y va. Dieu a dit qu'il nous le donne. Vous n'avez pas obéi. Autrement dit, vous n'avez pas cru. Et Dieu dit, Mungu anasema, au verset 3, kwa shaili la tatu, j'ai dit, nimesema, alors, sasa, je ne le chasserai point sita wafukuza tena mbele yenu. Donc, lorsque vous aviez des victoires, ce n'était pas vous, c'était moi, ilikuwa ni mimi. Mais je marchais derrière nitembea, votre foi. Nyuma ya imani yenu. Écoutez, frères et sœurs, les défis que tu as n'attend que ta foi. Inangoja tu imani yako. En fait, kweli, prépare pour Dieu le terrain Mungu pour résoudre ton problème. Kwa ajili ya kutatua shida yako. Dis ça à ton voisin. Ambia hiyo jirani yako. Prépare pour Dieu. Mtayarishie Mungu. Unaniambia sio ambie benzako. Unabaogopa? Muambie basi. Prépare pour Dieu le terrain dans lequel il va venir accomplir ton miracle. Umtarishie Mungu uwanja mambo ndani mwake atakuja kutimiza muujiza wako. Dile correctement. Iseme vizuri. Prépare pour Dieu le terrain sur lequel il va venir faire le miracle. Ambamo atakuja kufanyia muujiza. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons même vu combien au chapitre au verset 21 suivant, comment Dieu entre en colère et il leur dit, je ne chasserai plus devant vous aucune de ces nations. C'est-à-dire, vous m'avez fatigué. Vous m'avez fait traîner. J'étais déjà prêt à agir. Mais vous n'avez pas cru. Alors je laisse tomber. Je laisse tomber. Naacha. L'incrédulité pousse Dieu à laisser tomber beaucoup de miracles qu'il allait accomplir. Il laisse tomber. Il laisse tomber. Mais lorsque nous nous levons dans la foi, lakini wakati tunaposimama ndani ya imani, le miracle se produit. Miujiza zinatimilika. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Refus de voir au-delà de ce qu'ils voient. Nazaréen. Quel est votre problème, Nazaréen? Nous sommes étonnés sisi tunashangaa de ce qui se passe avec ces jeunes hommes. Ila ambao unapitikana pamoja na huyo kijana. Petit quartier. Mais nous ne sommes pas informés. Lakini hatuna habari. Nous ne savons pas. Hatujui. Nous ne le connaissons pas. Hatumjui, kwa kweli. Il a grandi chez nous. Amekumalia kwetu. Mais nous n'avons pas eu la chance lakini hatukupata bahati de découvrir qui il est. Ya kugundua yeye ni nani. Si nous savions, tungelikuwa tunajua. Il n'allait jamais quitter Nazareth. Kutoka hata siku moja Nazareth. On allait faire de lui même le roi. Tungemfanya yeye akuwa. On allait même faire de lui. Tungemfanya kuwa yeye. Mtu yetu. Yeye ndiye mtu wetu. Miujiza yetu. Notre miracle. Solution yetu. Notre solution. Miracle yetu. Notre miracle. Mais tout ce qu'ils savent lakini yote wanaoijua de Jésus, juu ya Yesu, le fils du charpentier, ni kwamba yeye ni mwana wa mseremala. Jésus est leur source. Yesu Kristo ni chemchemu yao. Mais ils ne savent pas. Lakini hawajui. Nous avons vu hier jana tuliona que lorsque nous négligeons notre source, c'est compliqué pour nous. S'ils ont su que Jésus était la source, ils allaient attraper beaucoup de miracles plus que tout le monde. Parce que Jésus a passé beaucoup de temps en Nazareth. D'abord tout ce temps où il a vécu, sa jeunesse jusqu'à 30 ans. Et même lorsqu'il exerçait son ministère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ils ont eu tout le temps wakati de le voir. Je vous ai dit que le diable fait le lavage des cerveaux, nous empêchant d'être renseignés, de connaître celui, le Dieu à qui nous avons affaire. Il nous voile les yeux pour qu'on ne voie pas la capacité de Dieu, pour qu'on ne voie pas ce que Dieu est capable de faire. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il est écrit dans Colossiens 3:16, que la parole de Christ habite abondamment en vous. Instruisez-vous, etc. Il est aussi écrit dans Romains 10:17, car la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Alléluia. Amen. Et l'auteur des Hébreux pique un texte dans l'Ancien Testament et il en parle dans Hébreux chapitre 3, chapitre 3 verset 10 à 12 et 16 à 19. Il dit au verset 12: prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ayez un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Que personne d'entre vous n'ait un cœur incrédule. Il faut combattre l'incrédulité. Parce que ça va vous amener à vous détourner du Dieu vivant. Les gens qui ne croient pas à Dieu croient à quelque chose. Le diable vous amène à ne pas croire au vrai Dieu, mais il vous propose autre chose comme Dieu. Pour les uns, il leur propose le diable, il leur propose des hérésies, des fétiches. Pour les autres, il leur propose leur moi. Leur moi. Dans certains ordres mystiques, c'est à cela qu'on arrive. On finit par leur dire: Dieu, c'est toi. Qu'est-ce que tu as fait, Satan? J'ai empêché cet être humain à voir sa source, son créateur, pour le détourner du Dieu vivant et l'amener à croire que Dieu c'est lui. Et on enseigne à ces gens de personnes que ce sont eux qui décident sur leur vie. Ce sont eux qui décrivent ce qu'ils doivent être. Donc ils sont devenus Dieu. Amen. Et dans ce texte, il est parlé de l'expérience de Nombre, chapitre 13 et chapitre 14. Au verset 19 de Hébreux, chapitre 3, il est écrit: aussi voyons-nous qu'il n'est pu y entrer à cause de leur incrédulité. Il n'est pu rentrer dans la terre promise à cause de leur incrédulité. Et dans Exode chapitre 13, rappelez-vous, Quand Dieu leur dit au verset 34, wakati Mungu anawaambia kwenye Shairi la 34, 34, il leur dit, vous saurez anasema, ce que c'est que nini ambayo d'être privé de ma présence. Inamaanisha kukosewa na uwepo wangu. Pourquoi? Sababu gani? Incrédulité. Kutoamini. Comment ça s'est manifesté? Imeonekana namna gani? Ils ont parcouru le pays de Canaan. Ils ont ramené des fruits de Canaan. Ils ont dit que c'est merveilleux, Moïse. Wamesema ni mzuri sana Musa. Et puis ils ont tout cassé. Na kisa wakavunja yote. Par mais. Wakisema lakini. Beaucoup de gens cassent leur foi. Watu wengi wanavunja imani yao. Pour la guérison même. Hata kwa ajili ya uponyaji. It is. Wanasema. Oui, Jésus a guéri les malades. Ndio Yesu aliwaponya wagonjwa. Galilée, Jérusalem, etc. Galilaya, Yerusalemu na kadhalika. Mais. Lakini. Il n'a pas guéri tous les malades de son temps. Hakuwaponya wagonjwa wote wa wakati wake. Donc. Ni kusema. Je peux ne pas être guéri. Naweza kupona ama hapana. Vous voyez comment vous vous préparez pour l'incrédulité. Mbona namna gani mnajitayarisha kwa kutoamini. Le mais. Ile lakini. Casse ce qui précède. Inavunja yote ambayo unatangulia. Si souverainement kama Dieu Mahuru, Mungu, ne va pas poser l'acte que tu lui demandes, ça ce n'est pas ton affaire. Hiyo siyo kazi yako. Ton affaire c'est de croire. Ninavyo kuona ni kuamini. Si ne fait pas kama afanye, c'est lui qui sait. Yeye ndiye anayejua. Mais ce que toi tu sais, lakini ilo na yujua, c'est qu'il va faire. Ni kwamba tafanya. C'est pourquoi les amis de Daniel disent, ndio maana warafiki wa Daniel wanasema, Nebukadnezar, wakimwambia mfalme Nebukadnezar, wanasema, oh roi, e mfalme, sache ujue, que nous n'adorerons pas ta statue ya kwamba sisi hatutabudu sanamu yako ambayo umeijenga. Et notre Dieu na Mungu wetu nous sauvera. Atatuokoa. C'est ça qu'ils savent. Ni hiyo ndio wanayojua. Mais ils disent, lakini wanasema, et si notre Dieu ne nous sauve pas, na kama Mungu wetu nous n'allons pas adorer. C'est-à-dire, on n'a pas de choix. Hatuna uchaguzi wowote. C'est-à-dire, nous refusons pas d'adorer la statue, ni kusema tukatae kuabudu, parce que Dieu nous a promis de nous sauver. Sababu Mungu ametuahidi kutuokoa. Promis ou non, atuahidi on n'adore pas. Hatutaabudu. On n'adore pas. Hatutaabudu. Sauvé ou pas, on n'adore pas. Tu okolewa wa mapana, hatutaabudu. Fais ce que tu veux. Fanya unayotaka. Le roi le ramasse avec ses brigands. Na mfalme on les jette dans la fournaise. Pamoja na washujaa wake wanawatupa ndani ya tanuru la moto. L'obéissance, comme la foi, utivu, imani, ouvre le ciel. Inafungua mbingu. Je vous ai parlé de ça, non? Nimeongelesha hiyo. Le fils de Dieu est descendu dedans. Mwana wa Mungu akashuka ndani. C'est lui qu'on appelle le feu dévorant. Wanaiita moto ulao. Il a précédé les trois jeunes gens. Akakuja kusaidia wale vijana tatu. Il a dit venez mes fils. Akakuwapokea akasema njoni wanangu. On est dedans. Tuko ndani. Mais il y a pas de feu ici. Lakini hapa hakuna moto. Entrez dans mon feu. Mwingie ndani ya moto wangu. Et le feu là des humains. Na ile moto wanadamu. Sera inutile. Ile haitakuwa na mafaa. Jésus s'appelle le feu dévorant. Yesu anaitwa moto ulao. Le Saint-Esprit, on appelle l'Esprit de feu. Rome takatifu anaitwa roho wa moto. Et quand le diable allume du feu, na wakati shetani anawasha moto, va dans son feu, wende ndani ya moto wake, sous le feu dévorant, ukiwa chini ya moto ulao. Et le feu du diable va s'éteindre. Na moto wa shetani utasimika. Et n'aura pas de feu sur toi. Na kutakuwa moto juu yako. Alléluia. Amen. Quelquefois le diable dramatise ses feux. Mara shetani anakuwa akionyesha kama vitu vyake. Il dramatise ses épreuves. Anakuwa akionyesha. Il dramatise ses choses qu'il fait, qu'il jette devant nous. Anakomalisha vile vitu anavyovifanya mbele yetu. Et il essaie de nous montrer qu'il est puissant. Entrons dans ce qu'il prévoit et nous présente. Dans la peau du Dieu Tout-Puissant. Dans la peau du Dieu Tout-Puissant. J'ai dit dans la peau du Dieu Tout-Puissant. Et de sorte que la puissance que lui prévoyait va être annulée. A tombé caduque. Bwana sifiwe. Amen. J'ai dit Bwana sifiwe. Amen. Je vous ai dit au début. Niliwaambia hapo mwanzo. Ce programme, mpango huu, c'est un programme inakuwa ni où Dieu nous a appelé. Ambapo Mungu ametuita. Non pas juste pour remplir nos block notes. Hapana ili tu tujaze mabuku zetu. Mais pour porter ce qu'il nous dit. Lakini ili tubebe, pour devenir ce qu'il nous dit. Tuvae ile ambayo anatuambia. Quand il te dit. Anapokuambia. Tu es mon fils. Tu es assis avec moi à la droite du Père. Entre dedans et assois-toi à la droite du Père. Dis à ton voisin, assois-toi, monte à la droite du Père et assois-toi en Christ et commence à opérer à partir de cette position en Christ. Celui qui croira fera lui aussi les œuvres que j'ai fait, et il en fera des plus grandes parce que je m'en vais au Père. Est-ce que cette parole est vraie? Ok. Quels sont les besoins que le Fils de Dieu a besoin de résoudre? Je vais dire, quelles sont les œuvres que tu imagines que le Dieu vivant ou le Fils de Dieu qui a dit, tu feras ce que j'ai fait. Quelles sont les choses qui ressemblent à ce que Jésus a fait autour de toi et qui nécessitent que Jésus revienne pour le faire? Cet homme a compris que Jésus avait besoin d'aller à Walikale pour libérer des captifs, etc. Et il a compris cela. Et Jésus a dit, vous ferez les œuvres que je fais et vous en ferez des plus grandes car je vais au Père. Autrement dit, au lieu que moi je revienne faire, vous faites. Dis à ton voisin, toi fais. Ambia jirani yako wewe fanya tenda. Mais dites-leur non. Sumuambie. Dis-lui. Muambie. Toi fais. Wewe tenda. Vous savez quand on chante, on a tenda mambo makubwa, si wezi kueleza mama o tenda. Nous avons l'impression que c'est Dieu qui vient faire. En réalité, c'est vrai. Mais aussi en réalité, il veut que c'est nous qui fassions. C'est pourquoi il est écrit des œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il y a des œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il ne dit pas qu'il a préparé d'avance afin qu'il vienne les pratiquer. Afin que nous, les êtres humains qui ont cru, qui se sont débarrassés de l'incrédulité, nous qui avons cru, nous les pratiquions. Tout à l'heure, tu vas pratiquer. Alléluia. Amen. Et c'est pas, ce ne sera pas pour une fois. Ce sera juste un exercice. Et tu vas continuer à pratiquer toute ta vie. Vous savez, nous faisons un grand gaspillage de Jésus dans notre vie. Dites à ton voisin, cesse de gaspiller Jésus. On gaspille Jésus. Ça fait 5 ans que tu as Jésus dans ta vie. Qu'est-ce qu'il a fait? Par toi. Il est juste là. C'est il dit aux apôtres, allez, vous là les apôtres, guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc on avait reçu. Est-ce que quelqu'un sait qu'il a reçu? Qui sait qu'il a reçu? Pierre dit dans Actes 3:5, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Tu as ça où, Pierre? Ça y est où? Tu as ça? C'est où? Il dit, je te donne. Au nom de Jésus, lève-toi, marche. Et puis les gars se lèvent. Donc, c'était vrai. Donc, tu avais. Demande, dis au voisin, donc tu as. Sasa mwambie jusqu'à ce qu'il croire. Dis-lui jusqu'à ce qu'il croie. Uko nayo. Tia. Unakuwa nayo. Convainc-les, si vous aidez-moi à prêcher. Aidez-moi à les convaincre. Unayo. Tia ça. Unayo. Tia ça. Hey, Rosette, unayo. Tia. Hey. Amen. Je vous dis. Na wambia. Nous gaspillons Jésus. Tunakuwa tukitumikisa Yesu kwa mubaya. Si vous m'avez dit, n'y pas le maramot, tu as un exercice. Dites-moi de m'arrêter par là et qu'on commence l'exercice. Tu as un maramot exercice. Qu'on commence directement l'exercice. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors regardez. Ça, c'est ta zama. L'incrédulité énerve Dieu. Kutoa mini na mkasirikisha. Pour quelle raison? Sababu gani? Dieu Mungu sait à quelle dose, à quel degré il s'est présenté anajua ni kwa kiwango, pour nous aider à le croire, tuonyesha, pour nous aider à toi juste, il nous aide qu'on comprenne que c'est vrai. Atusaidie tuelewe ya kwamba ni kweli. Et quand nous répondons à ça par l'incrédulité, lakini tunapojibu hiyo kupitia kutoamini, là ça marche pas. Hapo kabisa habiendeki. Ça ne marche pas. Habiendeke. Il y a des choses que nous commettons. Kuna vitu tunavyo vifanya. Nous pensons que c'est simple. Tunafikiri ya kwamba ni vyepesi. Nous ne nous rendons pas compte à quel degré na tu, ça offense Dieu. Ni kwa kiwango gani na kuwe na mkosea Mungu. Ça offense Dieu. Ina mkosea Mungu. Regardez comment il parle à ces gens ici dans Nombre. Allez, prenez votre Bible, Nombre, chapitre 14. Nombre, chapitre 14. Rapidement, Nombre, chapitre 14. Araka, kitabu cha hesabu, sura 14. Bwana sifiwe. Amen. Josué et Caleb, Yoshua na Caleb, ils sont agréables à Dieu pourquoi? Wanampendeza Mungu sababu gani? Ils ont vu les mêmes arbres. Waliona miti ile ile. Ils ont vu les mêmes fruits. Waliona matunda yale yale. Ils ont aidé à transporter les branches avec les amandiers. Walisaidia kupeleka ile. Ils ont vu les mêmes montagnes. Ile matunda. Waliona milima ile. Ils ont vu les mêmes terres, les mêmes rivières. Ils ont vu les mêmes choses. Waliona mito moja ile ile. Ils ont vu. Waliona vitu vimoja wale 12. Mais 10 personnes lakini watu qui ont vu la même chose eux aussi, ambao waliona mambo yale yale pia, ils donnent le même témoignage. Wanapana ushuda mmoja. Ils disent le pays promis là c'est vrai. Wanasema ile inchi kabisa ni kweli. Ça coule le lait, le miel c'est vrai. Maziwa na asali vinatiririka ndani. Mais lakini nous avons vu, tumeona les fils d'Anak. Wana wa Anaki. Essayez d'analyser avec moi ça. Mupime kuchunguza pamoja nami hii. Le Dieu d'Abraham, Mungu Abraham, d'Isaac et de Jacob, wa Isaka na Jacob. Le Dieu qui récemment ici derrière Mungu hapa, akuja pita siku nyingi hapa nyuma, vous a délivré de 430 ans d'esclavage. Amewaokoa toka miaka makumi, mia ine, makumi des miracles que personne n'a jamais fait. Ya utumwa kupitia miujiza que vous avez jamais entendu. Nambao umeyasikia. Avez-vous déjà vu les ténèbres qu'on touche? Mmeshasikia giza ambao unaweza kugusa? Vous avez vu des choses. Muliona mambo. Par lesquelles kupitia Dieu essayait de démontrer ses capacités. Mungu alikuwa anapima aonyeshe uwezo wake. Maintenant, lakini sasa, vous avez regardé le pays promis. Mumeona nchi iliyoahidiwa. Vous dites que c'est bon. Na mnasema kwamba ni vizuri. Mais vous avez vu là-dedans les fils d'Anak. Na mumeona ndani mule wana wa Anak. Retenez une chose. Shika jambo moja. Tout Canaan n'était pas occupé par les fils d'Anak. Kanana yote haikukua na milikiwa na wana wa Anak. Les fils d'Anak étaient dans un coin à la montagne. Wana wa Anak walikuwa tu kafasi kamoja kwenye mlima, hawakukua nafasi yote. Vous voyez frères et sœurs. Unaona ndugu na dada. Quelquefois dans notre marche avec Dieu. Mara nyingi ndani ya mwendo wetu pamoja. Nous voyons tout ce que Dieu promet. Tunaona yote ambayo Mungu anaahidi. Mais kitu kadogo. Mais seulement une petite chose. Kana poromosha imani yote. Comment à écrouler toute notre foi. Qu'est-ce qui énerve Dieu? Dieu met sur la table toutes les démonstrations qu'il a faites pour son peuple. Depuis que Moïse est arrivé, ce peuple ici, ils ont même de l'or que les Égyptiens ont leur ordonné. Ils ont ça comme témoignage. Dieu peut leur dire, si Mungu si ata mouma poche basi obem, vous vérifiez comme si koufanya. Touchez même dans vos poches, vérifiez si je ils ont des témoignages wana ushuda de la puissance de Dieu sur eux. Ya uwezo wa Mungu il est possible yao. Certains portent des boucles dans le cou du témoignage de ce que Dieu a fait. Il ambayo Mungu amefanya wanayangalia. C'est possible que quelqu'un porte une blouse merveilleuse qu'il a pris de ces gens-là. Vous avez des témoignages que je suis puissant, vous autres. Mais vous venez de voir des fils d'Anak sur tous les plans. Juste les fils d'Anak. Ça vous fait balayer. Ça balaye tout ce que vous avez comme témoignage. Rappelez-vous de ce que nous avons vu dans Éphésiens. Il est écrit car cela est juste. Cela est juste. Alors vous balayez tout ce que j'ai déjà fait pour vous. C'est comme ça qu'il leur dit. Ok. Vous avez fait 40 ans là-bas. D'espionnage. Je multiplie chaque jour par an. Désormais, pour arriver là-bas, vous allez faire 40 ans. Une année pour un jour. Quoi nini? Incrédulité. Pourquoi? L'incrédulité. Kutuamini. Seigneur, délivre-moi de l'incrédulité. Et l'incrédulité ferme le ciel. C'est une des fondations maléfiques qui ferme le ciel. Maintenant regardez. La foi imani que Caleb, Caleb et Josué présentent consiste à quoi? Caleb et Josué disent, Caleb na Joshua wanasema, pardon, écoutez, et puis on se calme. Musikie kwanza. Il dit, attends, anasema mungoji. Le Dieu Mungu qui est avec nous, ambaye iko pamoja na sisi, nous a donné ce pays. Ametupatia hii nchi. Les fils d'Anak dont vous parlez, wana wanaki mnaongelea, deviendront nos merveilleux ouvriers. Watakuwa watumishi wetu bora. Il est écrit, nous servirons de pâture. Ils vont être nos manœuvres. Ils vont pousser nos choukoudous. Et nos chariots. Ça va être facile pour eux pousser ça même sur les montagnes. Ne soyez pas rebelles à l'Éternel. Croyez. La Bible dit, Ils ont sensibilisé la population pour dire on va nommer un autre leader. Wale wakumi wakaanza kuongea ndani ya masikio ya taifa tumchague mtu mwingine ambaye atakuwa mkubwa. On nomme parce que le vote va prendre beaucoup de temps. Hatutachagua sababu uchaguzi utachukua wakati. On nomme quelqu'un nous rentrons en Égypte. Tumtaje tu mtu turudie Misri. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Vous rentrez en Égypte chez quel dieu? Munarudi Misri kwa Mungu gani? Le Dieu qui vous a gardé en esclavage. Mungu ambaye aliwachunga ndani ya utumwa. C'est Dieu qui vous dit qu'il vous amène dans le pays promis. Vous le refusez. Mungu anawaambia kwamba anawapeleka ndani ya nchi ahadi kisha mnamkataa. Ah, ça je ne peux pas supporter. Mungu anasema hii kabisa siwezi kuvumilia. Vous tous là. Anasema nyinyi wote. Qui avez écouté ces 10 messieurs? Ambao mmesikia hao bwana kumi ya nyinyi. Nyinyi wote. Vous n'entrerez pas. Vous allez finir dans le désert. Mutaishia humu ndani ya jangwa. Et puis plus tard, tournez une page ou deux dans votre Bible. Chapitre 16, c'est l'affaire de Corée et Abiram. L'affaire de Corée et Datan. Kora na Datani na Abiramu. Regardez ce qu'ils disent. Tazama ile ambayo wanasema. Kore, fils de Jisra, fils de Kehat, fils de Levi, famille de sacrificateurs. Kora ambaye anatoka ndani ya jamaa. Se révolta avec Datan et Abiram, fils de Liab, et aux filles de Pelet, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, les principaux de l'assemblée des cœurs que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils ont révolté les leaders. Wakapindua watu wasimamizi. Ils prennent les leaders. Wanachukua upinduzi. Et ils s'assemblaient contre Moïse et Aaron. Et ils leur dirent, ça n'est assez. Na wakambie natosha sasa. Moïse natosha. Ça n'est assez. Laissez-nous. Mtuache. Car toute l'assemblée, voyez ce qu'ils disent. Maana unaona mkutano. Tous sont saints. Wote ni watakatifu. Et l'Éternel au milieu d'eux. Na Bwana Mungu yuko pamoja nao. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Mnajinua juu ya mkutano wa Bwana. Quand Moïse entendit cela, il tomba sur son visage. Musaliposikia kanguka. Et il parla à Corée et à toute la troupe, sa troupe, en disant, demain l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint, et il le fera approcher de lui, il fera approcher de lui celui qui l'a choisi. Faites ceci, prenez des brasiers, etc. Et quand vous allez au verset 12, unapoenda kwenye shaili la 12, Moïse envoya appeler Datan Abiram, fils d'Eliab, mais ils dirent, nous ne viendrons pas. Musa katuma waite Kora, Datani na Abiramu, lakini wakasema hatutakuya. Vous voyez? Nona. Ça c'est quoi? Ininin. Désobéissance. Wasi. Mais regardez d'où vient leur problème. Tazama shida yao inatokea wapi? Ils disent à Moïse, wanaambia Musa, verset 13, shaila 13, n'est-ce pas assez, Moïse, que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel? Mungu baba. Haitoshi kwa kweli Musa kututosha ndani ya inchi ambayo maziwa na asali vinatiririka. Moïse, Musa, assez. Inatosha. Tu nous as fait, Moïse, tu nous as fait sortir du pays où coule le lait et le miel. Ndani ya inchi ambayo maziwa na asali vinatiririka. Le pays où coule le lait et le miel, c'est l'Égypte. Inchi ambayo maziwa na asali vinatiririka ni Misri. L'incrédulité, hein. Kutuamini. Ils disent, wanasema, pour nous faire mourir au désert. Ili tufanye kwamba tukufie jangwani. Sans que tu continues à dominer sur nous. Bila kuendelea kutawala juu yetu. Et ce n'est pas dans un pays où coule le miel que tu nous as menés. Ce ne sont que des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Inakuwa tu mashamba na mashamba mizabibu ambayo umetupatia. Comme pour dire, kama kusema, tu nous as donné des illusions. Umetupatia mawazo ya uongo. Il y aura des champs. Kuna tu mashamba. N'est-ce pas que certains d'entre vous disent? Sio ambao wengi kati yenu wanasema. Tu nous as donné des champs. Umetupatia mashamba. Nous on va rentrer en Égypte. Sisi tutarudi Misri. Ukulele le miel. Ambapo maziwa na asali vinatiririka. À l'ombre de la mort. Kwenye bonde la uvuli wa mauti. Vous voulez rentrer là-bas? Unahitaji kurudi huko? Par incrédulité. Kupitia kutoamini. Parce que vous ne croyez pas. Parce que à ce que Dieu était en train de dire. Sababu amuamini kwa ile ambayo Mungu alikuwa akisema. Maintenant le problème c'est quoi? Sasa shida ni gani? Datan Abiram Kore. Kora, Datani na Abiram. Est-ce que ce que vous avez, c'est juste les paroles que Moïse a dit? Ni maneno tu ambao Musa alisema. Vous n'avez même pas de petites preuves? Hamuna hata vitambulisho kidogo. Que Dieu est vivant et vrai? Ya kwamba Mungu ni hai na ni wa kweli. Alors la colère de l'Éternel s'enflamme. Sasa kasirani ya Bwana ikawaka. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Il reprend, il dit, penses-tu crever les yeux de ces gens ici? Nous ne monterons pas. Moïse fut très irrité et dit à l'Éternel, n'aie pas égard à leur offrande. Verset 16, Moïse dit à Corée, toi et toute ta troupe, trouvez-vous demain devant l'Éternel, toi et eux, et avec Aaron. Et prenez chacun, etc., faites votre offrande. Et puis verset 18, ils prirent chacun leur brasier, ils mirent du feu, ils posèrent du parfum, etc. et verset 19, et Corée convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron. Kaita mukutano wote ili wa mupingi, la désobéissance contient tous les péchés. Wasi nakuwa ndani mwake na zambi zote. Il les convoque devant l'entrée de la tente d'assignation. Anawaita mbele ya hema la kusanyiko. Et Dieu descend. Na Mungu anashuka. Mais lisez ça bien. Someni vizuri. Dieu descend. Mungu anashuka. Il est écrit. Imeandikwa. Alors la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. Sasa na utukufu wa Bwana ukatokea mkutano wote. Mais cette gloire vient dire quoi? Lakini verset 20, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, Mungu akamwambia Musa na Haruni, séparez-vous de ces gens-là. Mujitenge na wale watu. Munataka bya hivi? Vous voulez des choses comme celle-ci? La réponse de Dieu ici, c'est une réponse contre quoi? Contre l'incrédulité. Jibu ya Mungu hii inakuwa ni jibu ambayo inakuja jibu kwa kutoamini. Séparez-vous. Mutengane nao. Ils tombèrent sur leur visage et dirent, wakanguka oh Dieu, kwenye uso wao wakisema, eh Mungu. Tu es le Dieu des esprits de toute chair. Wewe ni Mungu wa roho ya kila mwili. Mtu mmoja ametenda zambi. Tiriterais-tu contre toute l'assemblée? Je t'accasirikia mkutano wote. L'Éternel parla à Moïse et dit, Mungu akamwambia Musa, parle à l'assemblée et dis-leur, retirez-vous de toutes parts, loin de la demeure de Corée, de Datan et Abiram. Musoge, nyumba ya Kora, Datani na Abiramu. Frère et sœur, ndugu dada, en réponse à l'incrédulité. Kwa kujibu kutoamini. Un jour, les disciples ont dit à Jésus, viens au secours de notre incrédulité. Et quand Dieu enflamme toute sa colère, na wakati Mungu anawasha kasirani yake, le peuple s'est retiré de toutes parts. Et Moïse dit, wote wakasogea, ainsi vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Musaka wambia kupitia alama hii mtajua kwamba Mungu amenituma kufanya mambo hii dit, na sitende kwa mimi mwenyewe. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'il subsiste le sort comme à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Wakikufa kama watu wote, si Mungu ndiye amenituma. Muko wanifata? Vous me suivez? Quelqu'un a besoin, kuna mtu anahitaji, de comprendre le Dieu qui est avec lui, ya kuelewa Mungu ambaye iko pamoja naye, face mbele à ce qui le défie. Ya ila ambayo inakuwa inamkatiza. Quelqu'un doit dire à une maladie, kuna mtu ambaye anapashambia ugonjwa, wewe magonjwa, toa maladie, kama haupatikani, si na intervention yenye haionekananga, si tu n'es pas touché avec une intervention qui n'a jamais existé, kama Mungu haiku Mungu njiko na mimi, tu sauras que ce n'est pas l'Éternel qui est avec. Vous voyez la foi de Moïse? Unaona imani ya Musa? Qui es-tu, grande montagne? Wewe ni nani, mlima mkubwa? Tu te tiens devant qui? Unasimama mbele ya nani? Devant celui qui a Dieu avec lui. Mbele ya yule ambaye ana Mungu pamoja naye. Vous saurez. Nasema mtajua. Si ce n'est pas moi. Kama sie mimi. Si vous mourrez comme tous les autres, mkikuta, mkikufa vous allez kama watu wengine kawaida. Et vous connaissez la fin du sort. Na mnajua mwisho ya historia. Bwana sifiwe. Amen. Moïse dit au verset 30, mais si l'Éternel fait une chose inouïe, lakini Mungu akifanya kitu cha kushangaza ambacho hakijaonekana, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient et qui descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé, vous avez vu le vocabulaire, ont méprisé l'Éternel. L'incrédulité, c'est du mépris. Kutuamini na kuwa ni zarao. L'incrédulité, c'est du mépris kutuamini na kuwa ni zarao à l'Éternel. Mbele ya Bwana Mungu. Et comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, na wakati alipomaliza kusema maneno haya, aïe aïe aïe, la terre, dunia, qui était sous udongo, eux, ambao ulikuwa chini yao, s'effondre. Ikagabulikana. La terre ouvrit sa bouche. Na udongo ikafungua kinywa chake. Kinywa. Est-ce qu'il y avait une bouche de la terre à cet endroit-là? Je kulikuwa kinywa cha udongo mahali pale. C'est-à-dire, nikusema, lorsque nous méprisons Dieu, wakati tunazarau Mungu, nous l'obligeons à intervenir na ba dimasi ya likolo, mais parfois contre nous-mêmes. Tunamshurutisha atende kwa viwango vya juu kwa Or, nous pouvons l'obliger d'agir dans les dimensions supérieures kwa kutupiganisha par la foi. Ichapokuwa tunaweza kuwa namshurutisha kutenda ndani ya viwango vya juu l'incrédulité L'incrédulité, c'est une forme de foi négative. On pourrait dire c'est la foi moins. Ou les moins foi. La terre ouvrit sa bouche, les engloutit. Eux et leur maison, avec tous les gens de Corée et dans tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait, la terre les recouvrit. La bouche, quand elle ouvre, elle referme. Est-ce que vous ouvrez la bouche et puis vous la laissez ouverte? La Bible dit Dieu est l'éternel des armées. Il peut faire de la terre une bouche qui s'ouvre et qui avale. Et quand il vient de les avaler comme ça la terre, regardez, tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit de leurs cris. À leur cri, donc quand ils entrent dans la terre, ils sont en train de crier. Si comme quoi ça, Mungu Baba, uturumie. Na Israël yote liyokuwa pembeni yao kakimbia wakilalamika. Le peuple attend ces gens crier, ils sont en train d'être avalés. Na watu wanaposikia hao watu wako wanalalamika wakimezwa. Tout le monde a fui. Kila mtu akakimbia. Bwana sifiwe. Amen. Mais ce qui est triste. Inayokuwa ya kuhuzunikisha. Au verset 41. Kwa shairi la 41. Regardez dans votre Bible. Yangalia ndani ya Biblia yenu. Verset 41. Mstari wa 41. Tout copain moi, nous sommes ensemble. Vous avez trouvé 41. Lisons ça ensemble. Tu y sommes pas moja. Dès le lendemain, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron en disant vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel. Kesho yake watu wote wakaanza kuongea ongea wakinungunika wakisema mmekufisha taifa la Bwana. Quel jour? Quel jour? Siku gani? Kesho yake. Quel jour? Kesho yake. Le lendemain. Donc vous n'avez même pas tiré la leçon. Ni kusema hamukuchukua hata somo. Et ça a coûté cher maintenant. Na hii sasa kabisa ililipa bei kubwa. Ça a coûté cher. Lipa bei kubwa. Comme l'assemblée s'est formée contre Moïse et Aaron et comme il tournait les regards vers la tente d'assignation, voici la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel apparut encore. Hier Dieu est apparu, il a fait engloutir les incrédules. Le lendemain, Dieu vient d'arriver encore. Mais il vient à quelle prière? Il vient répondre à quelle requête? Moïse, Moussa, tu as été injuste. Comment tu as fait tuer nos frères? Vous ne sentez pas ce que Dieu a ressenti hier? Et là, Moïse Moussa et Aaron arrivèrent devant la tente d'assignation. L'Éternel parla à Moïse et dit, retirez-vous du milieu de cette assemblée. Il ne parle plus à tous les peuples. Il parle à Moïse et Aaron. Il leur dit, Moïse, maintenant là, retirez-vous. Retirez-vous. Je les consumerai en un instant. Nita uwa unguza wote kwa dakika moja. Et Moïse tombe sur son visage. Na Musa kanguka kwenye uso. Moïse dit à Aaron, prends le brasier, mets-y du feu rapidement. En fait, Aaron va faire un sacrifice rapidement. Na Musa kamwambia Aaron aende kufanya atoa dhabihu. Fais pour eux un sacrifice d'expiation rapidement. Car la colère de l'Éternel a déjà éclaté, la plaie a commencé. Tu as vu ça où Moïse? Moïse connaît Dieu. Sababu Musa anajua Mungu. Il sait de quel bois Dieu s'échauffe. Musa anajua Mungu anaotaka kwa muti gani ambao unawasha. Il comprend que sawa Mungu anakuyaka hivi mambo inaharibika. Il sait que lorsque Dieu vient comme ça, les choses mambo imeharibika. C'est compliqué. Les choses sont déjà compliquées. Mambo imeharibika. Là c'est compliqué. Fais rapidement une offrande d'expiation. Fanya haraka sadaka ya kuondoa dhambi. Aaron prit le brasier rapidement et Moïse et il courut au milieu de l'assemblée. Voici, la plaie avait commencé parmi les peuples. Et Aaron offre l'offrande, le parfait rapidement. Il se plaça. Et vous voyez cette tragédie. Verset 48. Pendant que Aaron est en train d'offrir rapidement, il se retrouve qu'il est entre les morts. Les morts déjà. 49, lisons ensemble. Il y eut 14 700 personnes qui moururent à cette plaie. Outre ceux qui étaient morts à cause de Corée. 14 700, tout de suite. Est-ce que vous savez 1000 personnes? Unajua watu elfu moja. Maintenant, 14 000. Sasa elfu kumi. Tout de suite ici. Kwa gafu. Ça vient d'où? Inatokea wapi? De la phrase au verset 41. Kwa ile msemo kwa shahidi ya 111. Musa. Unauisha batu Moïse. Tu as fait payer les gens. Unaanza uisha batu Moïse. Tu commences à faire tuer les gens, Moïse. Dieu dit, hein? Mungu anasema sawa. Tu cherches quoi, Dieu? Unatafuta nini? Je cherche dans vos cœurs la foi. Natafuta imani ndani ya mioyo zenu. Je veux la foi dans vos cœurs. Nahitaji imani ndani ya mioyo zenu. Je hais l'incrédulité. Je ne supporte pas les incrédules. Sivumiliaki watu wasioamini. Parce que l'incrédulité, c'est injuste. Sababu kutuamini ni kukosa. Je me suis montré à vous. Nimejionyesha. Je vous ai montré le potentiel que je mets à votre portée. Vous me gaspillez. Vous me mettez au chômage. Je suis prêt à faire. Je souffre de votre incrédulité. Quelqu'un est là? Kuna mtu iko? Temps est fini. On continue demain. Demain, ok. Levons-nous, prions un peu et puis on va atterrir demain avec ces points là. Musimame tuombe kidogo kisha kesho tutamalizia na hii nukta. Alléluia. Amen. Quelqu'un acclame le Dieu qui aime la foi. Na mtu anashangilia Mungu anayependa imani. Dieu aime la foi. Est-ce que tu peux dire avec moi? Allez les mains vers celui qui est au-dessus de l'échelle. Je décide de te croire. Je m'engage à te croire. Tout ce que tu as dit est vrai. Tout ce que tu as dit de moi est vrai. Tes capacités wako sont vraies. Ni kweli. Ton amour upendo wako est vrai. Ni kweli. Ta colère est vraie. Ni ya kweli. Tes bontés wema wako sont vraies. Ni wa kweli. Ta puissance wako est vraie. Ni wa kweli. Tu as dit umesema que tu me cherchais ya nitafuta pour y aller avec moi ili uende pamoja nami et dominer et soumettre, guérir les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux. Ça aussi c'est vrai. Tu as dit, Seigneur, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. À mon nom, même s'ils boivent quelques brevards mortels, ça les fera point de mal. Ça aussi c'est vrai. Tu es au-dessus de l'échelle. Tu es vrai. Tu es le Dieu vrai. Et je t'aime. Je refuse de te décevoir. Ce soir, Seigneur, je me lève sur les bases de ta parole. Je me lève sur les bases de tes promesses. Je me lève sur les bases de la connaissance que j'ai de toi. Je me lève sur les bases de tout ce que tu as prévu pour moi. Mon Dieu, ce soir, permets-moi de vivre trois miracles autour de moi, dans ma vie, dans ma ville, dans ma famille. Ce soir, je voudrais te faire plaisir. J'aimerais te mettre en service. En fait, c'est toi qui me mets en service. C'est toi qui es Dieu. J'aimerais me mettre en service. Derrière toi qui es déjà en service. Comme au temps d'Israël. Tu étais prêt à libérer le territoire. Mais le peuple n'a pas voulu avancer. Et tu as dit que tu n'allais plus le faire toi aussi. Seigneur, promets-moi que toi tu vas le faire. Et moi je vais passer devant avec foi. Et toi tu vas le faire. Et je le verrai s'accomplir. Oh Dieu, ce soir, je crois à la guérison. Oh Dieu, ce soir, je crois à ma délivrance. Oh Dieu, ce soir, je crois ta visitation. Oh Dieu, ce soir, je crois que tu veux agir par moi aussi. Tu gardes silence. Chunga kimia. En listant les trois choses pour lesquelles tu veux prier maintenant. Ukianza kuona vile vitu tatu ambavyo unatafuta kuombea. Dans ton esprit. Anza kuvifikiria ndani ya roho yako. Trois choses. Vitu tatu. Par la foi. Kupitia imani. Que tu veux voir s'accomplir. Ambavyo unahitaji uone. À partir de ce soir. Kuanzia jioni ya leo. Le Seigneur est là. Wanaiko. Et nous a donné le premier exercice. Ametupatia de dire à la pluie d'évacuer la ville pour nous laisser travailler. Kuambia mvua itoke ndani ya mji kwa kutuacha kutumika. Il l'a fait. Na meifanya. La deuxième chose, jambo la pili, c'est ce que toi tu vas lui dire de faire. Ni ile ambayo utamwambia ufanye. Commence à prier. Anza kuomba. Prie avec foi. Maintenant. Trois choses. Mambo matatu. C'est au tour. Ni wakati wako c'est sasa. Au tour. Ni wakati wako sasa. Maintenant. Sasa. Maintenant. Sasa. Et même qu'il dit aujourd'hui. Anasema leo. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Musifanye mioyo yenu. N'endurcis pas ton cœur. Usifanye moyo wako kuwa. Mais crois. Lakini amini. N'endurcis pas ton cœur. Usifanye moyo wako kuwa. Mais crois. Lakini amini. Passe en revue. Anza kuangalia les capacités de Dieu. Uwezo wa Mungu. Passe en revue. Anza kuangalia les œuvres de l'esprit. Matendo ya roho. Passe en revue. Anza kuangalia tout ce que Dieu a déjà fait. Yote ambayo Mungu ameshatenda. Nous sommes entourés de beaucoup de témoins. Tunazungukwa na mashahidi wengi. Tous ceux qui nous ont précédés. Wote waliotutangulia. Maintenant. Sasa. Trois choses. Mambo matatu. Prie. Omba. Quelqu'un prie le Seigneur. Kuna mtu anamwomba Bwana. Karaba ya gosheta duga. Tata kaya mashekere boza.